Soyez les bienvenus pour ce numéro 15 d'Esprit Libre. Comme chaque numéro, je change la présentation, histoire de me caler. Je ne sais pas trop comment faire encore, mais ça va venir. Et en même temps, ça vous change un petit peu, ce qui est aussi une très bonne chose. Donc ce soir, j'ai décidé de faire ça en deux parties de 5 titres. Et pour la première partie, je vous laisserai écouter un morceau de Magma Kobaya, Sweet Smoke Silly Sally, un morceau de Roy Buchanan, Pete's Blue, Rory Gallagher, For the Last Time, et enfin Wallin Wolf avec Spoonful. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook en faisant la recherche Ludovic Obeuf et ainsi discuter avec moi par Messenger si vous le souhaitez. C'est parti pour la première partie de soirée, et la première partie musicale en tout cas, et je vous souhaite une très bonne écoute. Vous êtes dans l'Esprit Libre. Moi je suis le lieutenant Ice, dans le cas où vous l'ignorez. Et voici le sergent Callahan, au cas où vous l'ignoreriez. Et on est les deux plus belles vaches de l'école. Nous vous avons choisi parce que vous êtes ce qu'il y a de plus minable dans le genre. Vous appartenez à la section F. F comme fumier. Quand je dis « Ah, les fumiers !» Vous comprenez que c'est fou. Je vous promets que vous allez me détester jusqu'à la fin de vos jours, les enfants. Je vais vous faire regretter d'être venu vous fourvoyer dans cette académie. Oh,

done me wrong for the last time. You've sung your song, now I'm going to sing mine out loud. Thank you. On va continuer cette émission avec la deuxième partie, cette fois, où sera inclus ZZ Top avec Lagrange, Talking Heads avec Psycho Killer, Johnny Winter, Rock Me Baby, Running Wild, Fire and Thunder, et enfin un morceau de Deep Purple, Perfect Strangers. Bonne continuation à l'écoute d'Esprit Libre. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. T'as oublié de dire s'il te plaît. Rumors spreading round, and that takes its time. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Et voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère vous retrouver pour un nouveau numéro prochainement, un prochain numéro de Esprit Libre. Je vous laisse avec un morceau de Jean-Michel Jarre, extrait de son live en Chine. Le titre, c'est Arpégiateur. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et bonne continuation à vous. Et à la prochaine, bien sûr. Bye bye. Thank you.